السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله. Donc on se réunit aujourd'hui et on continue ce qu'on a commencé la semaine dernière, en débutant donc ce modeste programme entre nous. Comme on l'avait annoncé, qui consistera donc à une étude entre nous, que l'on étudie entre nous, l'épître du Shir Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulée Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Ça sera donc la première partie de ces rencontres donc hebdomadaires qui auront lieu le dimanche à partir de 15h. Naam. La deuxième partie, ça portera sur les bonnes manières, les bons comportements islamiques. Et on commencera donc par une introduction aujourd'hui tirée du livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Makarim al-Akhlaq. Donc les bonnes manières, les bons comportements. Et à la fin, la troisième partie, qui sera plus courte, consistera à lire quelques fatwas. Étant donné que les assises des ulama et des gens de science, de manière générale, même si ce n'est pas tout le temps, elles se terminent par des réponses aux questions donc de ceux qui assistent au cours. Et que nous, on n'a pas la possibilité, la capacité de répondre aux questions et de délivrer des fatwas, donc on lira des fatwas de certains gens de science. À la base, donc, ça sera des fatwas de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, mais il se peut que de temps à autre, on lise des fatwas d'autres ulama. On commence donc avec la première partie qui concerne Ad-Durus al-Muhimma, les leçons importantes, qui est un livret qui est très court, mais également très bénéfique. Et qui concerne des bases dans la croyance du musulman, ainsi que dans les adorations qu'il lui est obligatoire de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la prière, et ce qui est lié comme purification, at-tahar, na'am. Et également, à la fin, il y aura quelques leçons ou chapitres dédiés aux bonnes manières islamiques et à la mise en garde de certains grands péchés, et également tout ce qui a trait à la prière mortuaire et à la préparation du mort. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous assister dans cette étude de cette épître. La première des leçons, donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'Allah lui fasse ample miséricorde, a dit, première leçon, la sourate de la Fatiha, ainsi que les courtes sourates. Elle consiste donc à faire apprendre la sourate de la Fatiha et ce qu'il est possible de retenir parmi les courtes sourates. De la sourate, la secousse, al-zalzala, jusqu'à an-nas, donc la prière, la sourate an-nas, les hommes. En récitant devant l'élève, puis en corrigeant sa récitation, en lui faisant apprendre par cœur et en lui expliquant ce qui est impératif, ce qu'il est impératif de connaître. Na'am. Quant à la récitation, alhamdoulilah, et la mémorisation, c'est très important, na'am, comme l'a dit donc le Shir, c'est même impératif de mémoriser cette sourate, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait, point de prière pour quiconque ne récite pas le prologue du livre, Fatihatul Kitab, qui est donc un des noms de la sourate de la Fatiha. Fait donc partie des piliers, comme on va le voir, de la prière, de réciter la Fatiha, que ta prière soit obligatoire ou surérogatoire. Donc, Il n'est donc impératif que tu mémorises et que tu saches correctement réciter cette sourate. Et alhamdoulilah, il y a donc parmi les frères certains qui enseignent le Coran aux autres, et donc je vous incite à parfaire et à corriger votre lecture de la Fatiha et de vous entraider dans cela. Et que les frères qui maîtrisent la lecture de la Fatiha l'enseignent aux autres et corrigent la lecture des autres. Naam. Quant au sens de la Fatiha, on va aborder plusieurs points liés donc à l'explication de la sourate de la Fatiha et de ses sens. La sourate de la Fatiha comprend sept versets. Elle comprend sept versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons accordé les sept répétés ainsi que le Coran glorieux. Les sept répétés, ça désigne la Fatiha. Et c'est donc un texte explicite qui fait mention du fait que la Fatiha comprend sept versets, ni plus ni moins. Et c'est d'ailleurs matière à consensus, à unanimité chez les savants de l'islam. Puis par la suite, ils ont divergé, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans le fait de savoir quels sont ces sept versets et est-ce que la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, fait partie ou non de ces sept versets. L'avis pour lequel on va opter est que la basmala ne fait pas partie des versets de la Fatiha et que la Fatiha commence donc par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Malgré cela, on va quand même aborder brièvement cette basmala, étant donné que nous sommes amenés à la dire chaque fois que nous récitons Al-Fatiha, même si donc elle ne fait pas partie de ces versets. La basmala, donc, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, donc dans la traduction approximative du sens de la basmala, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est adoré. Et c'est le seul qui le mérite. Au vu de ses qualités, qui sont celles de la divinité à adorer, et qui sont celles de la perfection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de ce noble nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est celui qui est adoré, le seul qui le mérite, au vu de ses qualités qui sont celles de la divinité à adorer et celles de la perfection. Quant au nom Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui désignent l'attribut de la rahma. Et ar-rahma, nous la traduirons par la miséricorde. Donc nous avons ar-rahman et ar-rahim qui sont deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui désignent l'attribut de la rahma, la miséricorde, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé. Nous avons donc dans la basmala trois noms parmi les noms d'Allah qui sont mentionnés. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala a donc des noms. Et de ces noms découlent des attributs. Il a donc des noms et il a des attributs. Ici, donc, dans la basmala, nous voyons comme nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Allah, c'est donc un nom d'Allah, c'est son nom, qui désigne l'attribut de Al-Uluhiyya, qui désigne l'attribut et qui implique l'attribut qui contient l'attribut de Al-Uluhiyya. Et Al-Uluhiyya, donc c'est l'attribut de celui qui mérite uniquement l'adoration. Et on a dit que donc Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont également des noms d'Allah qui désignent quant à eux l'attribut de l'Ar-Rahma. Quant à la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim, nous la laissons pour plus tard, Incha'Allah ta'ala. Le deuxième point à aborder dans l'explication de la sourate de la Fatiha, ça concerne donc le premier verset de cette sourate, à savoir « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». La louange est à Allah, la louange est à Allah, Seigneur des mondes. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Alhamd, la louange, c'est l'éloge qui est faite à Allah en citant ses attributs parfaits et ses actes qui ne sont que grâce ou justice. Il s'agit donc de l'éloge fait à Allah en citant ses attributs parfaits et ses actes qui ne sont que grâce ou justice. Donc la louange et l'ensemble des formes de louange sont adressées à Allah et lui reviennent. Na'am. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Seigneur des mondes. Allah, donc, nous avons déjà expliqué le sens de ce noble nom que nous retrouvons ici. Rabbul Alamin. Ar-Rabb, c'est un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un autre nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le nom de celui qui a réuni les attributs suivants. L'attribut de la création, l'attribut de la royauté, et celui du fait de gérer. Du fait de gérer donc l'ensemble des affaires de sa création. Donc Ar-Rabb, c'est celui qui a réuni l'attribut de la création, l'attribut de la royauté et celui donc du fait de gérer l'ensemble des affaires liées à sa création. Et ça désigne celui qui éduque, car Ar-Rabb c'est lié à une notion de tarbiyah. À une notion de tarbiyah. Et la tarbiyah, donc, correspond à l'éducation. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, éduque et octroie, donc, son éducation à l'ensemble des êtres vivants. À l'ensemble des êtres vivants. Sachant que l'éducation, que l'on peut également traduire par le développement, hein, et de deux sortes. At-tarbiya, donc, dont on est en train de parler ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie à sa création, à l'ensemble des êtres vivants, ou la tarbiya ici, de manière générale, donc, elle est de deux sortes. La première, elle est générale. La première est générale. Et concerne l'ensemble des êtres humains. Concerne l'ensemble des êtres humains. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala dispense son éducation et ce par les signes. Et ce par ses signes. également ces versets. Les signes donc qui sont présents dans sa création et qui rappellent donc à ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique dans sa seigneurie, est l'unique également à détenir les noms et attributs de perfection, et qu'il est donc l'unique à mériter l'adoration. Et qu'il est donc l'unique à mériter l'adoration. Et la deuxième sorte d'éducation, c'est celle qui est plus particulière et qui concerne cette fois-ci ses serviteurs pieux. Et les éduque donc vers les meilleures manières. Et il les éduque sur la religion de droiture et sur le suivi de la vérité. Voici donc le sens du nom Ar-Rabb et également ce qu'il implique comme tarbiyah, comme éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala dispense à ses serviteurs. Rabbul Alamin, Al-Alamun, que l'on a traduit donc par les mondes. Al-Alamun, donc les mondes, c'est tout ce qui n'est pas Allah. Et nous tous, autant que nous sommes, faisons partie donc de ces mondes-là. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur d'Al-Alamin, donc de l'ensemble des mondes et de l'ensemble de la création. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le Seigneur des mondes implique qu'il est le seul à créer, qu'il est le seul à créer, à diriger et à prodiguer les bienfaits. Et cela montre également qu'il n'a besoin de rien ni personne et que tout a besoin de lui. Quel que soit le point de vue. Naam. Donc dis-toi, toi, serviteur d'Allah, parmi les bénéfices et les enseignements à tirer de ce noble verset lorsque tu le lis, et c'est là justement parmi les objectifs de l'apprentissage et de l'étude des sens de la sourate de la Fatiha, c'est que tu connaisses le sens de ce que tu récites. Sache donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur des mondes. Et cela montre qu'il n'a besoin de rien ni personne, et que tout a besoin de lui, y compris toi. Rends-toi donc compte du besoin que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et garde à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des mondes. Et se passe largement de nous. Naam. Troisième point à aborder parmi les points à retenir de l'apprentissage des sens de la sourate d'Al-Fatiha, c'est lié au verset suivant, Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également Al-Malik. Et voici donc un autre nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie qu'il est celui qui détient la royauté. Qui signifie qu'il est celui qui détient la royauté. Et il en découle que c'est à lui que revient l'ordre. Le fait d'interdire, le fait d'accorder la récompense et également de faire subir la punition. Voici donc les implications du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, qui inclut donc l'attribut de Al-Mulk, la royauté, et qui implique ce que vous avez entendu, et qui implique ce que vous avez entendu, à savoir le fait donc de détenir l'ordre, l'interdit, la récompense et la punition. Une question se pose ici, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Malik yawmiddin » maître du jour de la rétribution. Alors qu'il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de l'ensemble des jours. Le jour de la rétribution parmi eux, et également l'ensemble des autres jours. Donc quelle est la cause et pour quelle raison le jour de la rétribution a été spécifié ici? Pourquoi le jour de la rétribution a été spécifié ici? Naam. Les savants ont expliqué, les ulama ont expliqué que c'est ce jour-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître. Il va faire apparaître sa royauté aux yeux de tout le monde. Et que l'ensemble des autres types de royauté qui étaient dépendantes de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient donc des royautés limitées, alors que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala est illimitée et parfaite. Les royautés dont pouvaient bénéficier et les royaumes dont pouvaient bénéficier certaines de ces créatures dans la vie d'ici-bas, elles vont toutes disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans son noble livre, lorsque la question va être posée, le jour de la rétribution, liman il mulku al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répondra. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même va répondre en disant Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah, l'unique et le dominateur. Donc dis-toi que ce jour-là, toute forme de royauté disparaîtra et que seule subsistera la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaîtra à l'ensemble des créatures. C'est donc dans ce sens que le jour de la rétribution a été spécifié dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Malik yawmiddin. Quatrième point, dans l'explication de la sourate al-Fatiha, lié au verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. On a pu remarquer que dans la basmala et que dans les premiers versets de cette sourate, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, on a pu remarquer que plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'ils contiennent comme attributs de perfection ont été mentionnés. Ils décrivent donc Allah subhanahu wa ta'ala. Ils décrivent donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a remarqué également que parmi ces noms et attributs, il y en a qui ont trait et qui sont liés à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est le cas de Rabbul Alamin. Et c'est le cas de Malik Yawmiddin, le seigneur des mondes, le maître du jour de la rétribution. Et il faut savoir, chers frères, que le domaine de la seigneurie, ainsi que celui des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, constitue ce que l'on appelle le tawhid, de la science, qui consiste donc à décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce type de tawhid, en lui seul ne suffit pas. Même s'il est très important, même s'il est très important. Mais à lui seul, il ne suffit pas. Étant donné qu'il doit mener à un autre type de tawhid, qui est le tawhid de l'adoration, qui consiste à attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et à ne vouer les différents types d'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'on retrouve justement dans ce verset, à savoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. L'adoration, al-ibad, hein, comme l'a défini le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est un nom générique. L'adoration, al-ibad, hein, c'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent. Na'am, ou caché. On vise par les actes qui sont cachés, les paroles qui sont cachées, donc ce qui a trait au cœur, et qui n'apparaît pas. L'adoration, je répète, al-ibad, hein, comme l'a défini nombre de ulama, parmi eux le shir de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte apparent ou caché. Donc c'est très large. Al-ibada, c'est très large. L'adoration, c'est très large. Et c'est plus large que les cinq piliers de l'islam. Ça comprend les cinq piliers de l'islam, qui sont donc les piliers de l'islam, mais ça comprend également un grand nombre d'autres paroles et actes. Na'am. Comme nous aurons l'occasion de le voir, Inch'Allah ta'ala, si nous avons l'occasion d'étudier ensemble Thalathatul Usul, les trois fondements. Et l'adoration, il est important d'attirer l'attention vers le fait qu'elle n'est acceptée que si deux conditions sont réunies. Elle n'est acceptée que si deux conditions sont réunies. En plus, bien sûr, de la condition de l'islam. Comme vous l'avez bien compris. La première de ces deux conditions, c'est la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton acte, que tu ne vises par ton acte, que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne recherches par lui que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et que tu cherches à être éloigné du châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Voici donc la première des conditions, de ces deux conditions. La seconde de ces deux conditions, c'est la conformité à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton acte donc, en plus d'être sincèrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, doit être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Il y a une restriction qui est faite. Remarquez bien que il n'a pas été dit na'buduk et qu'il n'a pas été dit nasta'inuk. Mais ici, l'objet précède le verbe, à savoir donc iyyaka. Il précède donc le verbe iyyaka na'budu. En français, on remarque qu'il n'a pas été dit, que quand on traduit, donc on ne dit pas nous t'adorons, mais qu'on dit bien c'est toi seul que nous adorons. Et il y a une différence entre ces choses-là. Car si tu viendrais à dire, t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, nous t'adorons, ça ne veut pas forcément dire que tu n'adores pas autre que lui. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'adores pas autre que lui. Mais ça signifie donc que tu adores Allah. Mais ça ne nie pas le fait, na'am, d'adorer autre que lui. Wal'iyadhu billah. C'est pour cela que la restriction est importante. C'est pour cela que la restriction est très importante. Quand tu dis donc « Iyyaka na'bud », ça signifie « c'est toi seul que nous adorons ». Et quand tu dis « Wa iyyaka nasta'in », ça signifie « et c'est de toi seul que nous implorons l'aide ». Un autre point à aborder concernant ce verset, c'est que nous remarquons qu'ici l'adoration qui correspond à la sagesse résidant dans la création des djinns et des hommes, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On remarque qu'elle est mentionnée dans un premier temps et que la suit l'imploration de l'aide. Et l'imploration de l'aide, ça fait partie de l'adoration. Donc la question peut être posée, pourquoi avoir mentionné l'imploration de l'aide après l'adoration, dans le même verset, alors que l'imploration de l'aide fait partie de l'adoration? Alors il faut savoir que l'adoration, c'est comme on l'a dit, c'est la sagesse qui réside dans la création des djinns et des hommes. C'est donc le but à atteindre. Et l'imploration de l'aide, même si ça fait partie de l'adoration, c'est le moyen qui te permet d'arriver à cet objectif, à savoir celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et de n'adorer personne d'autre que lui. Et sache que tu ne pourras atteindre ton objectif qu'en bénéficiant de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cela qu'il est fait référence dans le fait de mentionner la demande d'aide après la mention de l'exclusivité du culte voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements importants à retenir de ce verset, et sachez, chers frères, que certains ulama, en l'occurrence Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'il fasse miséricorde à l'ensemble des ulama de l'islam, il a dédié un livre tout entier à ce seul verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce livre, c'est Madarijus Salikin, qui contient énormément de bénéfices et d'enseignements. Parmi ce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pu apporter comme enseignement dans ce livre, il y a le fait que dire, réciter « Iyyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons, c'est quelque chose qui chasse de ton cœur, c'est quelque chose qui chasse de ton cœur la duplicité. À savoir le fait de rechercher l'agrément d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu récites ce verset-là, ce fragment de verset, si on peut dire ainsi, et donc à l'esprit que c'est quelque chose qui doit chasser de ton cœur la recherche de l'agrément d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de réciter wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, c'est quelque chose qui doit chasser de ton cœur l'orgueil. L'orgueil qui pourrait résider en toi et qui pourrait t'empêcher ou te détourner tout ou partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les bénéfices très importants de ce verset, c'est qu'il permet, ou que sa récitation permet, de chasser du cœur et d'ôter du cœur la duplicité ainsi que l'orgueil. La duplicité ainsi que l'orgueil. Cinquième point à aborder dans l'explication de cette noble sourate et éminente sourate concerne cette fois-ci la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Il faut savoir que la guider, elle est de deux sortes. La guider, elle est de deux sortes. Tu as une guidée qui est une guidée d'orientation, qui consiste donc à orienter vers le bien. Et une deuxième sorte de guidée qui consiste à assister le serviteur et à faire à assister le serviteur pour qu'il suive la vérité. À assister le serviteur pour qu'il suive la vérité. La première sorte de guider, celle qui consiste à orienter, elle est générale. Elle est générale. Dans le sens où même les créatures ont la possibilité d'orienter. Toi, moi, chacun d'entre nous, avons la possibilité et le pouvoir d'orienter notre prochain vers le bien. Inviter les gens à l'islam, à leur inciter à faire le bien, à se parer des bonnes manières, des bons comportements islamiques, et ainsi de suite, à suivre la sunna, à s'écarter de l'innovation, et de ses adeptes, et ainsi de suite. Et elle est également générale dans le sens où l'ensemble des êtres peuvent en bénéficier. Elle peut être adressée à la fois aux croyants, aussi bien aux croyants qu'à celui qui ne l'est pas. C'est dans ce sens-là, donc, sous ces deux points de vue-là, ou ces deux angles-là, que nous dirons que ce premier type de guidée La guidée d'orientation est générale. Alors que la deuxième sorte de guidée, qui consiste donc à assister le serviteur pour qu'il suive la vérité et qu'il l'accepte, celle-là, elle est particulière. Toujours sous deux angles. Le premier, c'est que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient ce type de guidée-là. Et à Allah seul appartient le pouvoir d'assister ses serviteurs pour qu'ils suivent la vérité. Na'am. Et lui seul a le pouvoir de faire que ses serviteurs suivent ce qu'il aime et agrée. Elle est donc particulière sous cet angle-là et également sous un second angle qui est que elle ne concerne pas l'ensemble des êtres et que seuls les croyants en bénéficient et que seuls les croyants en bénéficient. Et c'est important donc de connaître ce bref développement concernant la guidée. Donc retenir que la guidée est de deux sortes. Na'am. La guidée d'orientation est celle qui consiste à assister les serviteurs pour qu'ils suivent la vérité. Na'am. Et de retenir que le premier type de guidée est général et que le second est particulier, et également de retenir l'explication de cela. Et on a eu l'occasion d'aborder cela dans la traduction donc de l'explication de la Fatiha de Cheikh Al-Fawzan, tirée de son livre Durus min al-Qur'an al-Karim. Retournez-y donc. Barakallahu fikum. Une question ici se pose, où quelqu'un pourrait être amené à poser une question et dire, nous sommes musulmans, nous prions, Allah nous a guidés sur la voie droite. Pourquoi donc continuer de faire cette évocation-là, à savoir donc, guide-nous sur le droit chemin. Il faut savoir, barakallahu fikum, que la guidée, elle concerne à la fois celui qui est dans l'égarement et qui n'est pas sur le droit chemin, afin qu'il soit guidé vers le droit chemin, mais elle concerne également celui qui a été guidé vers le droit chemin et qui a besoin également d'être guidé sur le droit chemin. Tu as besoin d'être guidé vers le droit chemin et également sur le droit chemin. Taïeb, pour rapprocher la compréhension de ce point-là, de cette réponse-là, tout en gardant à l'esprit que cet exemple que je vais donner est très loin de la question de la guider vers le droit chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est juste donc pour rapprocher la compréhension de cette chose-là. Admettons que tu partes en voyage et que tu cherches ta route. Na'am. Et tu ne connais pas à la base la route à emprunter pour aller vers ta destination. Donc tu demandes ta route à quelqu'un. Et il te dit, pour prendre telle route, na'am, il faut que tu passes par tel et tel endroit. Il est donc en train de te guider vers la route que tu dois suivre. Mais ça ne veut pas pour autant dire, même si tu venais à trouver cette route-là, qu'une fois que tu seras sur cette route, que tu sauras comment arriver à destination. Car là encore, tu vas avoir besoin de connaître certains détails liés à cette route. Est-ce que tu dois continuer tout droit? Est-ce que tu dois tourner à droite? Est-ce que tu dois aller à gauche? Quel panneau tu dois suivre? Naam. Donc, tu as besoin d'être guidé dans un premier temps vers le droit chemin, et une fois que tu y es sur, vers le chemin donc en question, et une fois que tu y es sur ce chemin-là, pour arriver à destination. Là, avec la grande différence qu'il y a entre les deux questions, entre l'exemple que je viens de citer, et la question de base qui concerne donc le droit chemin qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est cité dans le verset, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina sirat al-mustaqim, na'am, l'explication est identique, à savoir que tu as besoin d'être guidé vers le droit chemin, et une fois que tu es sur le droit chemin, une fois que tu as été guidé vers le droit chemin, il faut que tu saches comment te comporter lorsque tu es sur ce droit chemin, pour pouvoir y rester. Pour pouvoir y rester. Et donc ce n'est pas anodin. Le fait que tu récites, et qu'il te soit obligatoire de réciter, plusieurs fois par jour, dans tes prières obligatoires et surérogatoires, qu'il te soit obligatoire de réciter, « Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin », ce n'est pas anodin. C'est car tu es dans un grand besoin d'être guidé, même si tu as connu donc le droit chemin, d'être guidé sur ce droit chemin pour pouvoir y rester jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ta mort. Qu'Allah nous assiste. Sixième point, il est relatif cette fois-ci à l'explication du verset de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sirat al-ladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui a encouru la colère, ni celui des égarés. Le chemin de ceux donc que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru la colère, ni celui des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ici le droit chemin qui a été mentionné précédemment. Et c'est le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits. Qui sont donc ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans un autre verset, dans sourate An-Nisa. Dans lequel il dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que la leur. Et quelle bonne compagnie que la leur. Donc ici, dans ce verset, tu trouves de manière détaillée ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence dans sa parole, sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc la voie droite, le droit chemin, c'est celui de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, et ce n'est pas celui de ceux qui ont encouru la colère. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la colère de ses pieux serviteurs. Waladdalin, ni celui des égarés, ni celui des égarés. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui détiennent la connaissance, ou une certaine connaissance de la vérité, et qui n'œuvrent pas. Tandis que les égarés, ce sont ceux qui œuvrent, mais par ignorance. Ce sont ceux qui œuvrent, mais par ignorance. À la tête de ces deux catégories de personnes, qu'Allah nous en éloigne, il y a les juifs qui, malgré leur connaissance de la vérité, ne l'ont pas mise en application et ont donc encouru la colère. Et à la tête des égarés, il y a les chrétiens qui œuvrent, mais qui œuvrent sans aucune connaissance, sans que leurs œuvres soient fondées sur un savoir, et qui sont donc égarés. Mais en vérité, cela inclut également toute personne qui viendrait se caractériser par chacune de ces deux caractéristiques. Ainsi, quiconque viendrait à connaître la vérité et à ne pas œuvrer avec, serait donc inclus dans ceux qui ont encouru la colère. De même que quiconque œuvrerait sans connaissance serait inclus dans les égarés, et qu'Allah nous en préserve. On a donc vu dans cette sourate de nombreux enseignements, bien que les quelques instants que nous avons passés à étudier ensemble ces quelques enseignements sont très courts, et qu'en vérité, ce n'est même pas une goutte dans un océan. Car dis-toi que si le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, après avoir commenté cette sourate, il a dit de son explication que c'était une goutte dans un océan, alors qu'est-ce qu'il en est de ce que l'on peut proposer de notre côté? Donc c'est même pas une goutte dans un océan. Mais on espère que ça aura éclairci certaines choses et apporté certains enseignements. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et donc, je vous dis donc dans quelques instants, on aborde donc la seconde partie de cette assise avec le second cours, bi-idhnillah.